On va parler de baseball avec notre ami Jacques Doucet. Salut Jacques. Ça va bien, Danny? Ça va bien, ça va bien. Il fait beau. Fait que là, puis là, on annonce de la pluie, ça va faire du bien parce que m'a dit en affaire, le gazon commence à être jaune, puis les feux en forêt, puisqu'on a de la forêt ici. Oui, monsieur, c'est dangereux. Interdiction des feux de forêt. Jacques, première transaction de Ross Haskins, il a cédé Steve Pearce, qui est un joueur d'utilité contre un joueur des ligues mineures, et une somme d'argent. Écoute, Pearce avec Teoscar Hernandez, il n'avait plus vraiment sa place, mais les Red Sox sont allés chercher, parce que c'est un gars qui peut jouer à plusieurs positions. Hein? Ben oui, c'est un gars qui est polyvalent, il peut agir comme frappeur de choix, il peut aller au troisième but, il peut patrouiller le champ gauche et même jouer au premier coussin. Mm. Alors, dans le cas des Red Sox, je pense que c'est une bonne acquisition pour eux. Ça met un atout de plus dans leur jeu. La seule chose qui m'a surpris, c'est que les Blue Jays ont transigé à l'intérieur de leur propre division. Mm. Ça, c'est assez rare parce que on hésite toujours à transiger avec un club avec qui on rivalise. Ouais. Ouais. Sauf que là, je pense que les Blue Jays sont tellement loin des Red Sox que ça n'a plus tellement d'importance. Évidemment, c'est une lutte qui va se faire entre les Red Sox et les Yankees cette année. Puis finalement, comme tu as dit, c'est pas l'important. Les prochains, tu as parlé de transactions entre divisions. Les Yankees de New York seraient très intéressés à J.A. Ça, c'est pas vraiment surprenant. Un lanceur gaucher. C'est sûr que pour compléter la rotation, je pense que Hatt va être très en demande. Hein? C'est peut-être le prochain à partir parce que, évidemment, on aurait plutôt jeté son dévolu du côté de Josh Donaldson, mais il est blessé. Alors, sa valeur marchande a baissé considérablement depuis le début de la saison. Et Hatt se veut, possiblement, la tête d'affiche chez les Blue Jays comme possibilité de transaction et aller chercher de très bons joueurs en retour. OK. Est-ce qu'un gars comme Endouard au troisième but pourrait être un gros prospect pour les Yankees? Pour être le joueur qu'on pourrait donner? Ben, je ne sais pas si les Blue Jays sont intéressés à lui parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un ami Guerrero qui pousse, là. Ouais. Alors, évidemment, chez les Blue Jays, les gros salaires qui sont très, très encombrants, c'est Donaldson et Tulowitzki. Ah, c'est incroyable, Tulowitzki. Parce que Tulowitzki, tu sais, il n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, des lunes, là. Mm. Et puis, on ne sait pas s'il va revenir au jeu. Il y a encore quelques années à son contrat qui est très lucratif. Ouais. Et on sait que les Blue Jays, je ne sais pas si on a déjà décidé d'amorcer la reconstruction à compter de l'an prochain. Mais, tu sais, des gars comme Vladimir, une fois qu'il est en santé, Bichette, Biggio. Ouais. Et il y a un nommé Harris là, qui a été promu du 2A hier au niveau 3A qui a lancé un match exceptionnel. Borocki a démontré de très belles aptitudes. 6 bonnes manches. Mais il va falloir savoir exactement ce qui arrive avec Aaron, le lanceur droitier des Sanchez. Si Sanchez, pour une raison ou pour une autre, prolonge son séjour sur la liste des blessés, ben là, ça remet un paquet de choses en question. Ouais. Jacques, Russell Martin pourrait-tu être un joueur, c'est sûr qu'à 20 millions par année, un deuxième receveur, c'est pas vraiment, sauf que Russell, pourrait-tu être un joueur également qui pourrait être courtisé par certaines organisations? C'est un gars qui dirige bien les lanceurs, qui a toujours été un joueur qui a bien fait quand la pression était là. Également, peut-être qu'un changement de décor pourrait lui faire du bien. Mais je pense que la seule façon qu'on pourrait échanger Russell, si jamais c'est dans les plans des Blue Jays, ça serait qu'il faudrait qu'il paye une bonne partie de son salaire. Ouais. Parce que, tu sais, à 20 millions, comme tu le dis, là, et les pauvres statistiques qu'il a mis au tableau depuis le début de la saison, tu sais, c'est pas quelque chose de très alléchant. Mais tu sais, à 20 millions par année, si les Blue Jays disent, bon, on va en payer 10 millions, ben là, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour une équipe à qui il manque un excellent receveur. Ouais. Grosse série ce soir qui commence entre les Red Sox et les Yankees. C'est du bonbon. C'est deux équipes. Les deux équipes ont eu un petit passage à vide dernièrement, mais j'ai l'impression que ça va être tout être un excellent match, une excellente série entre les deux équipes au Yankee Stadium. Vont être très, très fortes. Ah, regarde, c'est... Parce qu'écoute, ce sont deux équipes qui ont énormément de ressources. Ouais. Ils ont de bons lanceurs, ils ont une grosse force de frappe. La défensive est très bonne. Alors, ça va être très intéressant de suivre les péripéties de cette série-là. Je pense pas qu'une des deux équipes balaie l'autre, Non, non. parce que ça me serait très, très, très surprenant. Mais ça va nous donner peut-être une idée de qui va bouger encore pour améliorer son sort. Ouais. Est-ce que Chris Sale va lancer en fin de semaine? Fait que déjà là, les Red Sox sont quasiment assurés d'en gagner une, donc ça devrait être intéressant. En terminant, Jacques, je veux te parler d'un article que j'ai vu passer sur RDS.ca. Tu sais, le commissaire qui veut tout le temps réduire les matchs, puis il trouve les matchs très longs et ainsi de suite. Il y a plus de retraits sur des prises que de coups sûrs cette année. Alors, tu sais comme moi que des retraits sur des prises, c'est plus long à atteindre que des roulants, hein? Fait que ça aide Ça pas prend non au moins plus. 3 lancers. Ouais, ça aide pas pour le commissaire non plus, là. Ben oui, mais je pense que c'est pas la raison principale que les matchs se prolongent, là. Moi, en ce qui me concerne, il y a énormément de temps perdu. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder lancer le jeune Borocki contre les Astros de Houston l'autre jour. Mais lui est habitué dans le baseball mineur à jouer dans des stades où il y a des chronomètres. Et lorsque le receveur remet la balle au lanceur, le lanceur a 20 secondes, lorsqu'il n'y a personne sur les buts, a 20 secondes pour effectuer son prochain tir. Alors là, l'autre jour, là, je regardais avec Roger, c'est incroyable le nombre de fois qu'un frappeur se retirait du rectangle. Il n'est pas supposé de faire ça. Mais s'il perd 5 ou 6 secondes entre chaque lancer, écoute, il y a à peu près 200 lancers par match dans une rencontre de baseball. T'sais, ça, c'est du temps mort. T'sais, on essaie d'accélérer le tempo entre les manches. C'est évident que les pauses commerciales sont toujours un peu plus longues, là, surtout lorsqu'on va arriver dans les séries. Mais on demande aux joueurs de se diriger rapidement de l'abri sur le terrain entre deux manches, que le frappeur soit prêt à s'installer dans le rectangle du frappeur dès que l'arbitre dit au jeu. Mais après ça, lorsqu'il n'y a personne sur les buts, là, pourquoi le lanceur, surtout moi, pas le lanceur, mais le frappeur, moi, ça me fascine. C'est 3 balles et 2 prises, hein? Le gars sort du rectangle puis il regarde son instructeur au troisième. Quel signal penses-tu qu'on va lui donner? Pas Ça n'a gracieux. pas sa raison Non, d'être. non. Je Il suffirait que le commissaire ou fasse une entente avec les arbitres puis dise, messieurs les officiels, là, derrière le marbre, là, dès que vous voyez le frappeur se retirer, donnez-lui un avertissement. Si tu fais ça encore, là, c'est une prise. Ouais, c'est sûr que là, tu verrais ça. Là, ça va. Puis si le lanceur prend trop de temps, tu lui donnes un avertissement, tu dis la prochaine fois, mon kid, là, c'est une balle. Alors, à ce moment-là, là, tu sais, faut que tu prennes des décisions qui peuvent faire mal. Puis ça, c'en est. Mais je ne sais pas s'il y a cette volonté des dirigeants du baseball d'agir de ça. C'est sûr, parce que là, ça a pas beaucoup, beaucoup évolué, hein, le nombre d'heures de match. Tu sais, on est encore sur les 2h40, 2h45 à peu près, Oh, t'es au-dessus de ça, là. t'es proche de 3 heures, t'es peut-être 2h56, 2h57. Donc, ça a pas beaucoup augmenté, là. Non, mais ça l'a augmenté, sauf que ça n'a pas diminué. Parce que il y a 5 ans, je crois, c'était 3h02, 3h03, qui était la moyenne d'un match de baseball. Puis là, on a baissé en bas de 3 heures, mais pas pour la peine. Il y a beaucoup de pertes de temps. Ce ne sont pas des règlements qui vont accélérer le tempo d'un match. C'est faut éliminer les temps morts. C'est là qu'on va accélérer le déroulement d'un match, éliminer des temps morts. Jacques, un gros, gros merci. On se reparle d'une couple de semaines. Ben, dans une couple de semaines, À écoute, pêche. rappelle-moi pas entre le 9 et le 14 OK, à pêche, ton juillet. traditionnel. Ouais, Est-ce que tu pour vas un cette certain année? pêche. Est-ce que tu vas cette année? Je retourne au Saint Lac avec mon fils. OK. Puis ça, la pêche est bonne, ça, normalement, ça? Ah, ben, écoute, on laisse faire. Ce qui est le fun, c'est qu'on a accès aux 3 sortes de poissons. autant le doré, le brochet que la truite. Fait que s'il y a une espèce qui ne ment pas, mon geste sont dévolus sur l'autre. Ben, c'est bien correct, Jacques. Bonne pêche, puis on s'en reparle prochainement. Salut bien. Notre collaborateur, Jacques Doucet.